sans jamais d'autre. Non, jamais maman n'avait pris tant de place dans mon existence. Indemne de la foule ensevelie, miraculée par la chance. Pardonnez-moi, ce n'est pas lui que le hasard a sauvé du sort. Je l'accepte. Time.